légende. Return to sender. Return to sender. Un week-end de légende. Nostalgie 11h. Hop là ! Le grand, le puissant, celui qui sait tout sur tout le monde. Les potins du gratin, Emmanuel Boulard, tout de suite. Bonjour, vous êtes bien chez Christophe Nicolas. Je ne suis pas disponible pour l'instant, vous vous en doutez, je suis plongé dans la vie d'Elvis pour notre week-end de légende. Ah, si c'est pour l'émission Happy Days, inutile de me laisser un message, c'est pas compliqué. Je vous donne rendez-vous lundi matin de 6h à 9h avec entre autres au programme 8500 francs dans le shaker. Bon week-end. Nostalgie, la légende. Ne rime pas forcément avec NG. Mick Jagger qui a écrit cette chanson pour la femme de David Bowie. C'est pas ma femme, mais je vous le présente. Didier Reynald avec vous tout au long de cet après-midi. Non, tu ranges ton objet. Cochon. On se retrouve samedi. La semaine va être très longue. Je vous embrasse très très fort à samedi 6h. Weekend Rock'n'Roll avec Elvis Presley sur Nostalgie. Il est temps pour nous de nous informer, voici l'essentiel de l'actualité sur Nostalgie avec Thierry Gelet. Thierry, bonjour.